Rémunération et distributions occultes. Présomption d'appréhension par le maître de l'affaire. Vous savez que l'administration est toujours réputée apporter la preuve que des bénéfices désinvestis d'une société ou des distributions occultes ont été appréhendés par la personne qui est le maître de l'affaire dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués. Par exemple, a été considéré comme maître de l'affaire le contribuable qui était gérant et associé à hauteur de 50% et qui exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de sa société.